Naganya kananga melelo na poli mote mananga obaki na boucheri po bakata kata sonwe kanga minga na zote si senga makila epuyeke nango mawa batoto tonga kibizo mibale dindi na mai moto zala ki upinga bebe upake lesoi alagoni utikinga nazo senyo benyambi laste ala poli chéri tu m'as promis de m'aimer jusqu'à la fin du monde o salima be pe ozondi mate elo pape me tomoki na tangi motema ifale na somba talipa nanga bacha mateka poli boike vacance na konyo perdre patience. Tutto tonga che mi sono mi balletti in dinamai. Motosale.